إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 20 dans l'explication de Usul Sunnah, Usul Salasa, le Sharh de Sheikh Saleh Al Fawzan. Et donc on est arrivé à l'endroit où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un autre dalil au sujet de Ar-Rububiyya wal-Uluhiyya, au sujet de du Tawhid, hein, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté d'Allah et dans l'adoration. Et le verset qu'il mentionne, c'est lequel? C'est le verset 54 dans Surat Al-A'raf. Et le verset 54 dans Surat Al-A'raf, c'est le suivant. Cheikh dit wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hathisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie: certes votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis qui s'est élevé au-dessus de son trône. Il couvre la nuit par le jour, et yani, ils se suivent rapidement l'un l'autre. Et le soleil et la lune, de même que les étoiles, sont assujetties à son commandement, et certes, c'est à lui qu'appartient la création et l'ordre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala soit béni, le Seigneur des mondes. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est un verset donc qui contient beaucoup d'explications et beaucoup de clarifications au sujet de l'aqida et au sujet du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va lire donc le sharh du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Il dit « Inna harfu tawkidin wa nasb, wa hiya mu'ti'atun lil qasam » يقدر قبلها قسم تقديره والله إن ربكم فهي في جواب قسم مقدر إن ربكم أي خالقكم ومربيكم بالنعم الله لا غيره سبحانه وتعالى ثم ذكر الدليل على ذلك فقال إن الذي خلق السماوات والأرض هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض ولا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك بل هو المنفرد بخلقه خلق السماوات والأرض هل أحد من المشركين أو الملاحدة عارض هذا؟ قال ما خلق الله السماوات والأرض الذي خلقها هو فلان أو أنا الذي خلقتها أو خلقها الصنم الفلاني هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا لا ولا أحد عارضها ولا يستطيع أن يعارضها أبدا. Donc le cheikh il explique Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit inna rabbakumullah, Inna rabbakumullah, et il explique certaines règles de grammaire à ce sujet-là, que inna, il vient à la, dans le sens, yani, que il implique, ça implique qu'il y a un Allah subhanahu wa ta'ala, il jure que votre Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et nul autre que lui. Votre Seigneur, rabbakum, c'est-à-dire celui qui vous a créé, celui qui vous a, yani, fait grandir, qui vous donne votre subsistance et qui vous donne toutes ses grâces. Donc c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui votre Seigneur, et il n'a pas d'autre Seigneur que lui. Hein, vous n'avez pas d'autre Seigneur que lui, subhanahu wa ta'ala. Puis il mentionne la preuve que Allah c'est lui seul qui est notre Seigneur, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. C'est quoi la preuve? C'est ce que le cheikh il mentionne ensuite dans la suite du verset, que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc, lorsqu'on dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fik, lorsqu'on dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça c'est la preuve. Hein? Que ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le Rabb. Hein? C'est la preuve que c'est lui le Rabb. Puis après aussi, il va mentionner les preuves que ça implique qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, de la même manière qu'il est le seul à avoir tout créé. Donc il dit, il n'y a personne qui l'a aidé dans la création des cieux et de la terre. Hein? Il a créé tout seul. Il n'a pas besoin d'aide pour faire quoi que ce soit dans l'univers. Il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui a créé quoi que ce soit dans l'univers avec lui. C'est lui tout seul qui a tout créé dans l'univers. Hein? Et il n'y a personne qui a créé d'autres choses dans cet univers. C'est seulement lui qui l'a créé. خلق السماوات والأرض. Donc c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre les mushrikines, ou quelqu'un d'entre les gens qui ont dévié de la foi, qui s'est opposé à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre les mushrikines qui s'est opposé à ça, qui a dit non, c'est pas vrai, hein, que c'est pas Allah qui a créé les cieux et la terre tout seul, il y a quelqu'un d'autre qui l'a créé avec lui, que un tel c'est lui qui l'a créé avec Allah, ou bien que c'est un tel qui l'a créé, ou bien moi je l'ai créé, ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça parmi eux, ou bien qui a prétendu que par exemple telle idole, cette idole là c'est elle qui a créé les cieux et la terre? Donc ça c'est le cheikh dit, il n'y a personne qui a jamais dit une chose pareille, ni dans le passé et ni à notre époque actuelle, alors que ce verset là on le récite jour et nuit, et malgré ça il n'y a personne qui prétend ça. Donc, ça c'est pour réfuter, en même temps ça réfute les mushrikines qui adorent des idoles et qui disent, qui adorent des tombes. À notre époque, il y en a qui adorent des hommes morts, des saints et des tombes. Et ils disent, nous on ne croit pas que ces hommes pieux-là et ces tombes et ces saints, on ne croit pas que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre. Donc on n'est pas des mushrikoun, parce qu'on n'associe pas avec Allah subhanahu wa ta'ala en croyant qu'il y a un autre créateur avec lui, ou qu'il y a quelqu'un qui crée dans l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui crée, et c'est pas grave si on adore des tombes ou des morts, ça c'est juste pour chercher la baraka, ou bien pour se rapprocher d'Allah par leur intermédiaire, ou des choses comme ça. Hein? Eh bien, le cheikh, qu'est-ce qu'il mentionne ici? Il dit, même les mushrikoun, c'est comme s'il était en train d'expliquer que même les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient des idoles, ils n'ont jamais prétendu que ces idoles-là ont créé quelque chose. Quand tu vois un mushrik qui se prosterne devant une statue, est-ce que, si tu vas le voir, moi je vous dis, la prochaine fois que vous allez voir quelqu'un qui a une idole, ou qui croit en une idole, ou une croix, une statue, ou quoi que ce soit en dehors d'Allah, tu lui demandes, est-ce que c'est ça qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que c'est cette statue-là qui a créé quelque chose? Est-ce que vous croyez ça dans votre religion? Que ces statues-là, cette statue-là, elle a créé quelque chose dans l'univers? Hein? Et vous allez voir. Il va pas dire que c'est elle qui a créé, parce que déjà, elle-même, c'est eux-mêmes qui l'ont fabriqué avec leurs propres mains, qui l'ont fabriqué avec du bois, ou avec de la pierre, ou avec un autre matériel qui est créé par Allah. Donc, ils sont pas stupides, quand même, à ce point pour dire, oui, cette statue-là, elle a créé les cieux et la terre, parce que s'ils disent ça, tu as juste à prendre un bâton, puis à la casser, puis ça y est, c'est fini. Son argument, il va être annulé, tu vois. Ouais, bon, mais c'est juste pour donner un exemple, tu vois, pour dire, ben, si tu prétends que c'est ça ton Dieu, Hein? Comme on a mentionné dans le cours précédent, que même si cette idole-là, il y a une mouche qui vient dessus pour prendre quelque chose, l'idole ne pourra même pas empêcher la mouche, hein, de venir le prendre. Donc elle est tellement faible que même la mouche peut venir lui voler des choses. Elle n'a même pas le pouvoir sur une mouche. Hein? Donc ça, c'est la preuve qu'elle n'a rien créé, ne peut rien créer non plus, et qu'elle est faible et qu'elle ne mérite pas d'être adorée. Donc il n'y a personne qui a jamais opposé ou contesté l'idée que, ou le fait que, plutôt, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui est le créateur et le seul qui est le Rabb, hein, le Seigneur de cet univers. Fi sittati ayyamin, c'est-à-dire qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sittati ayyam, sitta ça veut dire 6. Ayyam, ça veut dire jour, c'est le pluriel de yawm. Hein? Ayyam, c'est le pluriel de yawm qui signifie jour. Donc, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Le cheikh dit, « هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها في لحظة ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وستة الأيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ففي يوم الجمعة تكامل الخلق ولذلك صار هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع وهو سيد الأيام وعيد الأسبوع وهو أفضل الأيام. Donc le cheikh il explique que ces grandes créatures que Allah a créées comme les cieux et la terre, hein, tout ce qu'il y a dedans, Allah subhanahu wa ta'ala les a créées en 6 jours seulement. Hein? Subhanallah. Et il est capable de les créer même dans un seul instant. C'est pour ça que les koufars quand ils disent ah, mais comment ça ils disent là l'univers ça a pris des milliards d'années. Hein, pour exister ou des choses comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé en 6 jours seulement. Hein, et il est capable de le faire même en un instant. Hein, une fraction de seconde, s'il veut, il le fait. Hein, et le cheikh il dit, mais il l'a créé en 6 jours pour une sagesse. Hein, pour une sagesse que lui seul connaît. Et le cheikh il dit que d'entre ces 6 jours-là, le premier de ces 6 jours, c'est le Yawm al-Ahad. En arabe, on dit Yawm al-Ahad. En français, on dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En français, on dit dimanche. Hein? En arabe, Yawm al-Ahad, ça veut dire le premier jour. Parce que Ahad, ça veut dire un, en arabe. Et donc, en arabe, le dimanche, c'est le premier jour. Yawm al-Ithnayn, c'est le deuxième jour, al-Ithnayn. Ça veut dire le lundi. Le mardi, al-Thulatha, le troisième jour. Hein? Al-Arbi'a, le quatrième jour, en arabe. Et le jeudi, al-Khamis. Hein? Le jeudi, non, le mercredi, c'est al-Arbi'a, oui. Et le jeudi, c'est al-Khamis. Et le vendredi, c'est al-Jumu'a. Al-Jumu'ah, et Al-Jumu'ah, c'est yani, le meilleur jour de la semaine. C'est le sixième jour, ou bien c'est As-Sabt qui est le sixième jour? Oui, c'est samedi, c'est As-Sabt. Hein? Oui, c'est ça. Le sixième jour, c'est le Jumu'ah. Et le septième, c'est As-Sabt. Et As-Sabt, en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Hein, le repos, le sommeil. Je pense que ça veut dire le repos. En arabe. Donc ça vient de là. En arabe, même les Juifs, ils disent quoi? Le sabbat. Hein? En français, on dit sabbat. Eux, ils disent shabbat, mais c'est sabbat en français. Ça, en arabe, c'est sabt. Sabbat, sabt. Ça, c'est la même racine. Hein, en hébreu, puis ou bien plutôt en hébreu, puis en arabe. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est le septième jour. Donc, les jours de la semaine dans la langue française, dans la langue anglaise, sont basés sur les croyances païennes des Européens qui adoraient les astres et la lune. Donc, c'est pour ça que pour eux, dimanche, ou bien lundi. Lundi, c'est le jour de la lune. En anglais, Sunday, hein, le jour du soleil. Le jour de la lune, Monday. Hein, Monday, Monday, le jour de la lune. Donc, il y en a un qui, comme vendredi, c'est pour, je pense que c'est pour Vénus. Puis chacun des jours de la semaine, il a un nom qui est tiré d'un astre ou d'une étoile ou quelque chose comme ça. Puis ça, c'est tiré de leur croyance païenne, du fait qu'avant, ils adorent. Même les mois, mars, avril, mai, ouais. Qui s'appelait, c'est ça? Non. Même Thursday, ils ont dit Thursday, c'est pour le dieu qu'ils appellent Thor, qui était le dieu du tonnerre, je crois. Donc, en tout cas, chacun de ces jours-là, c'est des noms basés sur du shirk, des croyances de shirk. Donc, c'est pour ça que, en principe, les musulmans, on n'est pas supposé d'utiliser ces noms-là pour désigner les jours et les semaines. Et c'est pour ça que nos salafs, radiallahu anhum, ils ont établi des noms pour les, comme les mois puis les jours, puis ils ont choisi ces choses-là pour que justement on se distingue des juifs et des chrétiens et des mushrikines, et pour qu'on soit toujours en accord avec les principes de notre religion dans tous ces aspects-là. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que bon, quand il y a eu la colonisation de plusieurs des pays musulmans, les Européens ont amené leur calendrier avec eux dans les pays musulmans. Puis là, on suit ce système. Donc les gens, ils se posent pas la question des fois, par exemple, bon, pourquoi on commence l'heure à partir de Greenwich dans le monde, hein? Pourquoi pas à partir de Mecca, puisque c'est pour nous le centre, hein, de l'islam. Bon, pourquoi tout ce qui a rapport avec notre vie actuellement, c'est basé sur qu'est-ce que les Occidentaux, les chrétiens, ont établi. Et c'est devenu la norme dans le monde entier. Alors qu'auparavant, c'est tout ce qui est, toutes les normes étaient établies par rapport à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran et dans la Sunna, parce que les musulmans avaient établi ces principes-là, et c'est ça qui influençait le monde entier à l'époque. Hein? Aujourd'hui, bon, c'est le contraire, c'est l'homme stain, c'est les chrétiens qui établissent leur influence sur le monde entier. Puis maintenant, il y a des musulmans, malheureusement, ils trouvent que ça c'est normal maintenant. Hein? Il y a des musulmans maintenant, si tu leur disais que avant c'était pas comme ça, ou bien que ça devrait pas être comme ça, ils te regarderaient avec un drôle de regard, comme si, qu'est-ce que tu dis toi, c'est quelque chose de bizarre. Pourquoi on devrait changer ça? Ça c'est normal, c'est correct, il y a pas de problème là-dedans, hein, et ainsi de suite. Pourtant, quand on regarde les salafs, ils ne voulaient pas ressembler aux koufars et aux mouchriquins, même dans ces questions-là. Hein, et c'est pas permis pour les musulmans de changer ces choses-là. Donc ça, c'est juste en passant une note à ce sujet. Donc, fisitati ayamin. Cheikh, il dit, donc le premier jour, c'est Yom al-Ahad, qui est le premier jour, et le dernier, c'est Yom al-Jumu'ah, le dernier jour de la semaine. Et il dit que Yom al-Jumu'ah, oui, de la création, pardon. Et ben, ici, il dit, le premier jour, c'est Yom al-Ahad, et le dernier, c'est Yom al-Jumu'ah. Il dit, ça fait Yom al-Jumu'ah takamal al-Khalq. Oui, c'est ça. Parce que Allah, il a complété la création ce jour-là. Et il dit que c'est pour cette raison-là que c'est devenu le jour le plus important de toute la semaine, et que c'est la tête de tous les autres jours, c'est le plus important de tous les autres jours, et c'est pour nous une fête, c'est la fête de la semaine, la fête hebdomadaire, et c'est le meilleur des jours. Et il mentionne, il dit ensuite, « وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ » Le messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, il dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim, et Abu Daoud, et Al-Tirmidhi, et Al-Nasa'i, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, que le meilleur jour dans lequel le soleil s'est levé, c'est le vendredi, يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Jumu'ah, ça vient de Al-jam' yani, c'est-à-dire le rassemblement, le regroupement. Parce que ce jour-là, on se réunit et on prie la prière, on fait la prière en groupe. Yom al-Jumu'ah, même si on prie chaque prière en groupe, mais Yom al-Jumu'ah c'est spécial. Et dans les pays musulmans, comme par exemple quand j'étais en Arabie Saoudite, eh bien, c'est pas toutes les mosquées qui ouvrent pour le Jumu'ah. C'est seulement les mosquées qu'on appelle Al-Masjid al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Il y a une différence entre le masjid ordinaire puis le jami'ah. Le jami'ah, c'est une mosquée vraiment grande, que tout le monde se réunisse là-dedans. Il y a une grande assemblée qui peuvent venir. Tandis que les petites mosquées, ce jour-là, elles sont fermées. Les gens, ils vont pas dans leur petite mosquée de quartier. Ils vont dans la grande mosquée. Hein, non, tu vois? Donc, pourquoi ça? C'est pour qu'il y ait plus un grand rassemblement des gens. Puis que en même temps, les gens puissent tous ensemble profiter justement de la khutbah, du message qui est transmis, puis que donc les musulmans puissent se réunir, puissent sentir la fraternité puis la grandeur de l'islam. Mais donc ça c'est une sagesse aussi à ce sujet-là. Et après qu'est-ce qu'il dit? لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات وخلق فيه آدم وأدخل الجنة وأهبط منها وفيه تقوم الساعة وكل ذلك في يوم الجمعة فهو أفضل الأيام وهو آخر أيام الخلق خلق خلق السماوات والأرض وما فيهن وهو آخر أيام الخلق خلق السماوات والأرض وما فيهن. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que ce jour-là, Allah il a complété toutes les créatures, toute la création. C'est ce jour-là que Adam a été créé. Le jour de Jumu'ah. Adam il a été créé. Il a été introduit au paradis ce jour-là. Et ce jour-là également, il en est sorti. Il est rentré le jour de Jumu'ah, il est sorti le jour de Jumu'ah. Et le jour de l'heure du jugement, le jour de la résurrection, ce sera un vendredi. Ce sera un vendredi. Donc, tout ça, ça se passe Yom al-Jumu'ah. Donc, c'est le meilleur des jours et c'est le dernier jour de la création. C'est le dernier jour de la création. Ensuite, le cheikh dit « ثم استوى على العرش حرف عطف وترتيب حرف عطف وترتيب أي أن استواءه على العرش جاء بعد خلق السماوات والأرض لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء ومعنى استوى ارتفع وعلى العرش وهو سقف المخلوقات وهو في اللغة السرير وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, puis ensuite il s'est élevé au-dessus du trône. Il s'est élevé au-dessus du trône. Si vous voulez avoir encore plus de clarification, donc en détail ou d'exemple de la position des salafs au sujet de ce verset, regardez le tafsir de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir de ce verset, le verset 54 dans Surat Al-A'raf, et vous allez voir comment l'imam Ibn Kathir explique ce verset, et il l'explique selon la aqida des salaf al-salih. Parce que l'imam Ibn Kathir est un des élèves de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. L'imam Ibn Kathir est un des élèves de Ibn Taymiyyah. Et donc, sa aqida est la aqida des salaf. Et dans ce verset-là et dans son explication, vous voyez clairement qu'il défend la aqida salafia là-dedans. Ça, c'est en même temps, c'est bon pour lorsque vous voulez clarifier ce point-là à des gens qui ont une croyance qui est fausse, comme une aqida ash'ariya ou des choses comme ça, vous leur mentionnez le tafsir d'Ibn Kathir de ce verset-là, et ça casse complètement leur shubuhat. Et ils mentionnent dedans les paroles des salafs au sujet de ce verset, et c'est quoi la aqida des salafs, comment on doit comprendre les versets des attributs d'Allah. Donc, ثم استوى على العرش au début, ثم استوى على العرش, puis Allah s'est élevé sur le trône. ثم en arabe, ثم ça veut dire quoi? Ça veut, et le cheikh dit حرف عطف وترتيب. Ok, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une conjonction dans le sens que c'est quelque chose pour réunir entre deux parties d'une phrase. Puis en même temps, c'est pour montrer un certain ordre entre deux choses, pour dire qu'une chose est arrivée, puis ensuite une autre chose est arrivée. Donc, ça prouve qu'une chose est arrivée avant l'autre, hein, ou une est arrivée à la suite de l'autre. Donc, ça vient en même temps réfuter les gens de Bid'a qui nient. Hein, cet attribut-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, puis ensuite, il s'est élevé au-dessus du trône, ou bien sur le trône. Le cheikh, il dit que ça veut dire qu'il s'est élevé sur le trône après avoir créé les cieux et la terre. Parce qu'Allah dit, puis ensuite, ça veut dire que après avoir créé les cieux et la terre, il s'est élevé sur le trône. Et ça, ça fait partie des attributs d'Allah qui font partie de ses actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait quand il veut. Parce que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions sont reliés à sa volonté. Hein? D'accord? Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi la différence entre les attributs? On dit que les ulama, ils ont classé les attributs en deux catégories. Al-sifat al-fi'liya wa al-khabariya ou bien al-zatiya. Al-Zatiya, c'est les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de son être, de sa personne. Hein? Et les attributs des actions sont des attributs qui font partie de son être, mais qui sont reliés à ses actions et qui sont reliés à sa volonté. C'est-à-dire qu'il les fait quand il veut. Hein? Quand il veut, il les fait. Quand il ne veut pas, il ne les fait pas. Hein? Donc, c'est comme par exemple la création. C'est un attribut d'action. Hein? Ça fait. Aynam. Aynam. Al-Ghadab. La colère. Al-Farah. Al-Kalam. Ça fait partie des attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Al-Ghayra. Donc, Al-Ghayra. C'est-à-dire, bon, les gens ils traduisent al-ghayra par la jalousie, mais c'est pas, ça veut pas dire la jalousie, al-ghayra. Parce que c'est pas que de la, en arabe, la jalousie c'est al-hasad. Hein? Ça, c'est la jalousie, mais c'est autre chose al-ghayra. Al-ghayra c'est plutôt, c'est-à-dire d'être jaloux pour l'honneur de quelque chose. Par rapport à l'honneur, tu vois, dans le sens que quand on attaque ou on atteint l'honneur de quelqu'un que tu aimes ou bien quelque chose que tu aimes, tu te sens, disons, tu ressens en toi, yani, le besoin de défendre l'honneur de cette chose-là. Donc c'est comme si en réalité tu es jaloux dans ce sens-là, yani, hein? Donc ça c'est une explication. Mais bien entendu, quand on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que les attributs des créatures correspondent aux créatures. Et les attributs du créateur correspondent au créateur. Hein? Quand on dit la main d'Allah, ça correspond et ça, comme on dit, les ulama ils disent « yaliqu, hein, kama yaliqu bi jalalihi ». Hein? C'est-à-dire que comme cela convient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit qu'il a une main, mais sa main c'est une main qui lui convient parce que c'est une main divine, tandis que la main des créatures c'est une main qui convient aux créatures, c'est-à-dire la main d'un homme c'est une main d'un homme, Mais la main d'Allah, c'est la main d'Allah. Et il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Chacun, il a une main qui lui convient à lui. Et le fait qu'on utilise le terme ou le mot « main », la seule ressemblance qui existe entre les deux, c'est dans notre esprit, hein, dans notre tête, le lien que, dans qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Mais dans la réalité, il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Puisque la réalité de la main d'Allah, c'est une réalité qui est totalement différente de la réalité de la main d'une créature, ou d'un être humain, ou d'un animal. D'accord? Et la même chose pour Al-Istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-dessus de son trône. C'est la même chose. Hein? Comme le cheikh il va l'expliquer. Donc, c'est quoi la différence entre les attributs de l'être et les attributs des actions qui sont reliés à... Et non. Donc, c'est ça. Donc, comme le frère il a expliqué, c'est ça. Les attributs de l'être sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de sa personne, de son être, qui ne se séparent jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles font partie de lui. Elles font partie de lui. D'accord? Donc, ça c'est les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son être. Comme par exemple le visage. Comme par exemple la main. Comme par exemple les yeux. Comme par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui sont mentionnés dans le Coran. D'accord? Ça, c'est les attributs de l'être. Les attributs de l'action, elles sont aussi des attributs de l'être. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Les attributs d'action sont aussi des attributs de l'être. Sauf que la différence, c'est qu'il le fait, il les fait quand il veut. Hein? Ça fait partie de lui. Donc, quand il veut, il parle. Quand il veut pas, il parle pas. Quand il a voulu créer le monde, il a créé le monde. Hein? Et quand il veut parler, il parle, ainsi de suite. Donc toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala donc sont des attributs de perfection, mais les attributs d'action, c'est des attributs qu'il fait quand il veut. Qu'est-ce que signifie le mot ou le verbe en arabe istawa? Le cheikh il dit la signification du verbe istawa en arabe, il est traduit ou il est expliqué par le terme irtafa'a wa ala ou bien ala wa irtafa'a. Irtafa'a, ça veut dire s'élever. Hein? Et ala, ça veut dire la même chose. C'est être au-dessus de quelque chose, monter, s'élever. D'accord? Et cette définition, elle vient de l'exemple des paroles des sahaba et des tabi'in. Quand vous retournez à Sahih al-Bukhari, le chapitre, hein, si je me souviens bien, c'est dans le chapitre au sujet du tawhid, il mentionne le verset qui dit وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Et dans ce verset, il explique par la suite, il mentionne les paroles de Abu al-Aliya et de Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les tabi'in et les sahaba. Et puis il mentionne la définition suivante à propos du verbe estawa. Ah non, c'est ça. ثم استوى إلى السماء. Après le, oui, il mentionne ثم استوى إلى السماء. Puis il mentionne la définition suivante ارتفع وعلى. Ça veut dire s'élever ou monter au-dessus de quelque chose. Et dans le verset ici, ça veut dire de monter sur le trône. Donc ça vient réfuter les gens de bid'ah qui déforment la signification de ce verbe et qui prétendent que ça veut dire autre chose. Comme les Asha'ira et les Maturidiya qui disent que Istawa, ils prétendent que ça signifie Istawla. Hein, ils disent Istawla et ça c'est faux, c'est incorrect. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qui est clarifié dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là. Et c'est contraire à l'utilisation du terme istawa ala en arabe. Quand on dit istawa et qu'on utilise après ala, ça veut dire monter et s'élever. Hein? Parce que des fois, vous allez voir des gens de bid'a, quand vous leur mentionnez le verbe istawa, ils sortent un argument. Ils vont dire, oui, mais le mot istawa, il peut avoir plus que 15 définitions dans la langue arabe. Et tu lui dis, oui, mais le fait qu'un mot puisse avoir des synonymes, hein, ou bien puisse avoir, par exemple, plusieurs définitions, comme on appelle ça comment? Quand un mot a plusieurs définitions, des homonymes, hein. Donc, le fait qu'un mot soit comme ça, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de distinguer entre une signification et l'autre, et de savoir quelle de ces significations-là s'applique à ce mot-là dans un contexte bien précis, d'accord? Donc, par exemple, même en langue française, tu vas regarder dans le dictionnaire Larousse, et il y a des mots que tu vas voir, par exemple, ils vont te donner 5 ou 6 ou 7 différentes significations pour un seul mot. Et à chaque exemple de différentes définitions, tu vas dire, bon, ils vont te dire, par exemple, pour tel mot, ils vont te dire définition 1, et là, ils vont te dire quelle définition, puis après, ils vont te donner, par exemple, des citations ou des exemples pour te montrer la signification de ce mot-là quand il est utilisé dans cette définition-là selon le contexte de la phrase, pour comprendre que dans ce contexte, il veut dire tel mot et telle signification. Puis, tu vois la définition 2, la même chose. Ils vont te donner une autre signification du mot, puis ils vont te donner une parole, une citation d'un auteur ou d'un écrivain et qui te montre la signification selon cette signification selon ce contexte. Puis la définition 3, la même chose. La définition 4, une autre définition. 5, 6, ila akhirih. D'accord? Donc, on est capable par la suite, en retournant au texte, de regarder le mot qu'on cherche et de voir il correspond à quelle de ces définitions-là pour savoir qu'est-ce qu'il signifie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de prétendre, Allah al-Musta'an, c'est qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce que le mot veut dire. Comme si c'était un mot qui est en chinois et que personne ne peut le comprendre. Hein? Comme si le mot istawa, parce que j'ai vu ça justement, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a envoyé un texte, et en fait la personne fait partie des Ahbash, elle m'envoie un texte d'une citation d'un imam, et puis elle traduit tout dans le verset, dans la parole de l'imam, sauf le mot istawa, elle ne le traduit pas. Hein? Elle dit Allah istawa sur le, hein? Elle a pas dit sur le trône, mais bon. C'est pour dire, j'ai dit subhanallah, et le mot istawa, ça veut dire quoi? Elle dit non, il faut pas le traduire. Il dit pourquoi il faut pas le traduire? Tu sais pas ce que ça signifie? Et donc ils veulent pas le traduire parce que ils savent que ça, qu'est-ce que ça signifie et que ça va détruire leur aqida s'ils le traduisent. Alors ils veulent pas le traduire, ils font semblant que ils peuvent pas le comprendre. Hein? Et bien ils vont dire non, mais il a plus que 15 définitions, donc on peut pas savoir c'est laquelle d'entre ces 15 là qui est la bonne. Alors que quand tu retournes dans la langue arabe, que tu regardes le mot istawa, lorsqu'il est utilisé avec ala, ça veut dire, comme on a dit, ala wartafa, c'est-à-dire s'élever ou monter. C'est vrai. Exactement. Exactement. Exactement. Barakallahu fik. Donc, c'est comme, qu'est-ce qu'il dit? C'est exactement ça. Il n'y a pas juste le mot istawa dans la langue arabe qui a plusieurs définitions. Il y a plein d'autres mots dans la langue arabe qui sont dans le Coran, qui peuvent avoir plusieurs définitions selon le contexte. Donc pourquoi c'est seulement quand ils arrivent sur des versets qui parlent des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien des attributs de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils commencent à tourner en rond puis à pas vouloir les affirmer, hein, ou à dire que si tu l'affirmes ça implique quelque chose de ressemblance entre le créateur et la créature, donc il faut pas l'affirmer ou des choses comme ça. Donc ça c'est يعني ساسي باطل ساسي باطل et à l'arch le cheikh il dit que c'est وهو سقف المخلوقات, c'est le toit de la création, c'est le toit de la création. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus haut, hein, au-dessus des créations, au-dessus des sept cieux, hein, il y a les sept cieux, puis au-dessus il y a le al-arch. Puis comme, qu'est-ce que tu m'avais demandé la dernière fois à propos de l'eau? Est-ce qu'il y a l'eau? Il y a un hadith qui mentionne qu'il y a de l'eau au-dessus du septième ciel, puis que le trône est au-dessus. Oui, il y a un bahar, c'est mentionné dans, si tu regardes dans Kitab al-Tawhid, le dernier chapitre dans le livre, il parle de ça. Dans le chapitre qui dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » Tu regardes, il mentionne différentes narrations de hadith, puis dans, parmi ces narrations-là, il y en a une qui mentionne que il y a de l'eau, au-dessus du septième ciel. Donc, la plus haute des créations, c'est le trône. Et c'est pour ça qu'on dit, que le cheikh dit ici que c'est le toit des créatures. وَهُوَ فِي اللُّغَةِ السَّرِيرِ. Et dans la langue arabe, c'est السَّرِيرِ. C'est la chose sur laquelle on s'allonge ou bien on s'accoude, on s'assoit. C'est-à-dire, ça c'est l'arche, comme un trône pour le roi. D'accord? Et bien entendu, ça c'est par rapport aux créatures. Et c'est comme le cheikh il dit, ici c'est quelque chose qui est porté, donc un trône qui possède des pieds et qui est porté par les anges. Et c'est la plus grande des créatures et c'est la plus haute, la plus élevée de toutes les créatures. Donc ça c'est important de le comprendre. Et en ce qui concerne al-istiwa, le cheikh il explique al-istiwa sifatun min sifatillah al-fi'liyah kama yaliq bi jalalihi subhanahu wa ta'ala laysa kastiwa al-makhluq 'ala al-makhluq wa laysa huwa bi hajatin ila al-'arsh li'annahu huwa alladhi yamsiku al-'arsh wa ghayrihi. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فالعرش محتاج إلى الله لأنه مخلوق والله غني عن العرش وغيره ولكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى والاستواء نوع من العلو ولكن العلو صفة ذات أما الاستواء فهو صفة فعل ويفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh explique que l'istiwa, c'est une attribut parmi les attributs d'Allah qui font partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Et il n'est pas comparable à cette action chez les créatures lorsque une créature s'élève au-dessus d'une autre. On ne doit pas essayer d'imaginer comment Allah s'élève au-dessus de sa création. On n'a pas le droit d'essayer d'imaginer parce qu'on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas savoir le comment non plus. Et vous savez tous la parole de l'imam Malik à ce sujet-là, al-istiwa' ma'lum wal kayfu majhoul والإيمان به والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Donc ça c'est la parole de l'imam Malik qui est très célèbre à ce sujet-là, qui résume la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah. C'est-à-dire que le verbe ou la le fait de que cet attribut, que Allah possède ses attributs et qu'il s'élève au-dessus de son trône, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-istiwa. Ça, c'est quelque chose qui est connu en arabe. C'est quelque chose que tous les arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant l'islam même, ils connaissaient ce verbe. Ils savaient ce que ça signifie. L'istiwa ma'loum. Il est connu dans la langue arabe. C'est pas quelque chose, c'est pas un mot chinois. Mais nous, on comprend pas si on n'est pas chinois. Oui, eux, ils n'allaient pas comprendre. Mais disons que c'est pas un mot inconnu pour les hommes. D'accord? C'est un mot que les Arabes comprennent dans leur langue, à eux. Wal-kayfu majhoul. Et dans d'autres narrations, c'est dit wal-kayfu ghayr ma'qoul. Dans d'autres narrations, wal-kayfu ghayr ma'qoul. Donc ça veut dire le comment, on peut pas le comprendre. On peut pas le comprendre, on peut pas le connaître, et il est inconnu de nous. Pourquoi? Parce que Allah nous l'a pas dit comment. S'il nous l'avait dit, on allait le savoir. Mais puisqu'il nous l'a pas dit, on le sait pas. Et donc, on n'a pas le droit de parler d'Allah sans connaissance. On n'a pas le droit de parler d'Allah sans ilm. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. » Hein? Ne rentre pas dans des choses que tu n'as pas de connaissance à leur sujet. Tu ne sais pas quelque chose, tais-toi. C'est ça que ça veut dire. Tu ne sais pas quelque chose, tais-toi. Dis pas « je sais » alors que tu ne sais pas. Hein? Donc, tu ne sais pas comment Allah est élevé au-dessus de son trône, tais-toi. Tu dis « je ne sais pas ». C'est tout. « Al-Kaif Majhoul ». Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hein? Donc, le « comment » on ne le connaît pas. Et c'est ça l'aqida d'Ahl al-Sunnah. Wal-Iman bihi wajib. C'est obligatoire d'y croire. Tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas dire non, on ne peut pas dire ça. C'est pas vrai. C'est pas, ça ne veut pas dire istawa, ça veut dire istawla. Ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire yani que Allah s'est élevé au-dessus du trône. Ça veut dire qu'il a conquis le trône. Ils essaient de déformer le sens pour essayer de dire que. Ça, on va pas affirmer le terme istawa tel qu'il est affirmé dans le Coran parce que ça implique une ressemblance tashbih, ils disent ils le traduisent dans leur site des fois ou dans leur parole, ils disent c'est de l'anthropomorphisme, hein, de faire ressembler Allah à une créature ou des choses comme ça. Aynam. Exactement. Exactement. Exactement. Donc ça implique quoi? Que si on dit que Allah a, si on dit que istawa ça veut dire conquérir, donc ça voudrait dire que Allah a conquis le trône. Ça implique quelque chose de plus grave que ce qu'ils essayaient ou ce qu'ils s'imaginaient vouloir s'enfuir de la chose de laquelle ils voulaient s'enfuir, c'est-à-dire ça impliquerait qu'il y a quelqu'un qui avait le trône avant Allah puis qu'Allah l'a conquis et qu'il a pris le dessus sur lui. Donc Allah il a des rivales, hein, des rivaux, il a des opposants qui auraient le trône avant lui, et ça c'est haram de croire ça, et c'est grave, yani, c'est une insulte de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour cette raison là que nous on leur dit vous n'avez pas besoin d'inventer des trucs là, de déformer les attributs d'Allah, de changer leur signification, d'essayer de leur donner un autre sens pour essayer de vous enfuir de quelque chose que vous imaginez qui n'a aucune réalité, qui n'existe que dans l'illusion de votre esprit, puisque quand on dit qu'Allah est au-dessus de son trône et qu'il s'est élevé, il n'y a pas de tashbih. Allah il dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc tu l'affirmes l'attribut, mais tu nies la ressemblance. Hein? Il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa création. Et ça c'est l'aqida des salafs. Tandis que l'aqida des gens de bid'a, c'est de nier les attributs d'Allah et de dire non, il ne faut pas dire ça. Ils disent non, il ne faut pas dire ça, ça implique de l'anthropomorphisme ou du tashbih ou des choses comme ça. Donc nous on dit, ils disent aux gens de Ahl al-Sunnah, à vous quand vous dites que Allah est au-dessus de son trône, vous êtes des anthropomorphistes, vous avez fait du tashbih. Hein? On leur dit, où est-ce qu'il est le tashbih? Hein? Le tashbih il est dans votre tête, à vous. Parce que c'est qui est-ce qui a dit qu'il est au-dessus de son trône? C'est qui l'a inventé? C'est qui l'a dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça? Hein? Est-ce que c'est nous-mêmes qu'on a inventé cette parole? Est-ce que c'est nous qui l'avons inventé de notre propre tête? Qu'on est sorti avec ça, puis qu'on a voulu dire ça à propos d'Allah, sans preuve? C'est Allah qui l'a dit lui-même. Donc si vous êtes en train de dire que, de dire, que Allah est au-dessus de son trône, que ça c'est du tashbih, quand il dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, thumma istawa ala al-Arsh. Hein? Si vous dites que ça c'est du tashbih, alors vous êtes en train de dire que celui qui fait l'anthropomorphisme c'est Allah. Vous êtes en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique quoi aussi également quand vous dites ça de lui? Quand vous essayez de nier al-istiwa, ça veut dire également que vous êtes en train de dire que vous connaissez mieux Allah que Allah se connaît lui-même. Et que vous savez mieux comment parler à propos d'Allah que Allah sait comment parler de lui-même. Et comme si vous êtes en train de vous objecter, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous êtes en train de dire à votre Créateur, non Allah, il ne faut pas que tu dises à propos de toi-même que tu es au-dessus de ton trône, parce que ça, ça ne te convient pas. Tu dois dire à propos de toi-même que tu as conquis le trône à la place pour être, hein, exempt de toute imperfection ou des choses de ce genre. Et ça, c'est de l'insolence. Hein? Et ça, c'est de l'insolence absolue de, que la créature veuille imposer sa propre, hein, façon, sa propre croyance ou sa propre idée sur ce que Allah a révélé. Et s'objecter au Créateur dans sa façon de se décrire lui-même. Ça, c'est, hein, le comble de l'insolence et du manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, les gens de Bid'a, parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyah, qui nient Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et qui refusent de lui attribuer ce qu'il s'est attribué lui-même, comme à l'Istiwa, c'est des gens de l'insolence, des gens de l'arrogance et de l'égarement. D'accord? Donc, on affirme cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'elle lui convient. On n'essaie pas de l'imaginer. On n'essaie pas de savoir comment. Hein? Et le cheikh, il dit qu'il faut être certain que cette élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, elle n'est pas comparable à ce qu'une créature fait lorsqu'elle s'élève au-dessus d'une autre créature. Comme si tu ne peux pas comparer Allah lorsqu'il s'élève au-dessus de sa créature, de son trône, à un être humain lorsqu'il s'élève sur un trône. Lorsqu'un roi s'assoit sur un trône ou des choses comme ça, ça c'est une créature qui s'assoit sur une autre créature. Mais Allah, quand il s'élève sur son trône, tu ne peux pas savoir comment et tu ne peux pas l'imaginer non plus. Hein? C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment il le fait. Hein? Donc, il y a des gens qui vont commencer à essayer de poser plein de questions à ce sujet-là. On dit, oui, mais si il fait ça, ça implique ça. Et s'il dit ça, ça veut dire ça. Et s'il fait ça, ça veut dire ça. T'as pas à poser ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik quand on lui a posé la question du comment? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. De poser ces genres de questions-là, c'est une bid'a. Et ces gens de bid'a-là, c'est ça qu'ils font. Poser des questions. Donc, quand tu leur affirmes l'attribut, tu leur dis l'attribut d'Allah, c'est de telle façon qu'il faut y croire, eux, ils viennent avec leur raison, commencent à te poser des questions pour philosopher à propos des versets d'Allah et de ses attributs. Oui, mais si tu dis ça, ça veut dire ça, et ça implique ça, et ça implique ça, hein, et plein d'implications totalement fausses et des analogies totalement rejetées. Hein. Donc, nous, on dit, on ne veut rien savoir de ce que tu dis là. Et qu'est-ce que tu essaies d'impliquer? Ça, c'est dans ta tête à toi. Nous, on affirme qu'est-ce qu'Allah a affirmé et on sait que c'est ça le haqq. Et on ne pose pas de questions sur des choses que notre esprit ne peut pas comprendre de toute façon. Puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de qu'est-ce qu'on peut même imaginer. Hein? Et quand il nous a dit, laisse kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, donc ça, ça nous suffit. Hein? On n'a pas à rentrer dans les détails ou dans des choses que Allah ne nous a pas dit à ce sujet-là. وليس بحاجة إلى العرش. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun besoin de son trône. C'est-à-dire, c'est pas le trône qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça fait partie des arguments des gens de bid'a. Quand ils veulent essayer de nier les attributs d'Allah, ils essaient de faire croire aux gens que ça implique une imperfection. Ils disent, ouais, mais ça veut dire que, ils disent, ouais, mais si Allah, il s'est élevé au-dessus du trône, ça veut dire que c'est le trône qui supporte Allah. A'ouzou billah. Qu'est-ce qui vous a dit ça déjà? Hein? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Hein? Donc, il n'a pas besoin d'un trône. Il n'a pas besoin de rien, de quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même. Et ce n'est pas le trône qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte le trône et qui supporte toutes les créatures et qui les retient. Hein? Et c'est lui qui tient tout l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il le dit, que c'est lui qui tient le trône et autres. Il dit, dans le verset 41, dans surat Fatir, « Inna allaha yamsiku samawati wal arda an tazula. Inna allaha yamsiku samawati wal arda an tazula. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ » Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient les cieux et la terre pour pas qu'ils s'effondrent. Et s'ils s'effondraient, personne ne pouvait les retenir après lui. C'est-à-dire, s'ils s'effondraient les cieux et la terre, personne ne pourrait les retenir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh dit, فَالْعَرْشُ مُحْتَاجٌ إِلَى اللَّهِ لأنه مخلوق والله غني عن العرش وعن غيره ولكن استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. Donc le trône, c'est le trône qui a besoin d'Allah سبحانه وتعالى. Et pourquoi? Parce que le trône, c'est une créature, elle est créée. Donc elle a besoin d'Allah. Il a besoin d'Allah. Et Allah, lui, il est غني. هو الغني. Il est le riche dans le sens qu'il est, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. Hein? Il est tellement riche qu'il n'a besoin de rien. Hein? Il n'a pas besoin d'une créature. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Hein? Il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin d'autre chose que le trône non plus. Hein? Mais il s'est élevé sur le trône pour une sagesse que lui seul connaît. وَالْإِسْتِوَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْعُلُوُ وَالْإِسْتِوَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْعُلُوُ. C'est-à-dire que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-dessus de son trône, ça fait partie de al-ulu. Al-ulu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Allah est au-dessus de tout. Et donc al-istiwa, ça rentre dans al-ulu. Quand on dit que un des noms d'Allah, c'est al-ali. Al-ali, al-a'la. Ça, c'est un autre nom d'Allah. Al-A'la, ça veut dire le plus haut. Et Al-Ali, ça veut dire le très haut. Donc ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le très haut et le plus haut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus haut et élevé, comme le cheikh il le dit. Et donc, il est au-dessus de sa création. Et parmi... donc al-istiwa, ça fait partie de al-ulu, cet attribut de al-ulu, c'est-à-dire de l'élévation, du fait que Allah est élevé et qu'il est au-dessus et qu'il est haut. Sauf que c'est une caractéristique, donc al-istiwa, qui est particulière, spécifique au trône, tandis que al-ulu, c'est général et ça fait partie des attributs de son être, parce qu'il est élevé dans son être et il est élevé également dans sa valeur et dans son statut et dans sa grandeur, et il est élevé également dans... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il est élevé aussi dans, par sa personne, du fait qu'il est au-dessus de son trône. Il est au-dessus de son trône, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, séparé de sa création. Comme les salaf ont dit. Alin ala arshihi. مستوٍ على عرشه بائن من خلقه بائن من خلقه. Donc il est séparé de sa création, donc il n'est pas mélangé avec sa création, il ne se mélange pas avec sa création comme le disent les gens de Bid'a, comme les gens de Hulul ou bien les gens de Wahdatul Wujud qui prétendent que Allah et la création sont mélangés entre eux ou fusionnés entre eux ou bien que l'un est l'égal de l'autre ou que l'un est l'autre. Que la créature et le créateur sont une seule et même chose, comme les gens de Wahdatul Wujud et Ibn al-Arabi, At-Ta'i, le soufi hérétique. Donc ça, c'est des exemples. Donc tout ce qu'on vient d'expliquer là, ça c'est l'aqida d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a au sujet de Al-Istiwa, et c'est très important de le comprendre, hein. C'est très important de le comprendre et de comprendre cet aspect-là de la aqida, parce qu'il y a des gens de bid'a qui ont dévié, comme on a dit là, à ce sujet-là, et maintenant ils propagent cette aqida. Ils propagent la aqida des Ash'ari un peu partout dans les pays musulmans, et même ici il y a des gens qui commencent à faire cette da'wah, et en Europe aussi. Et ils se basent sur la réputation de certaines écoles, parfois pour le faire. Donc, comme par exemple, ils vont dire, bon, telle ou telle aqida, par exemple, la aqida ash'ariya, elle est enseignée à telle ou telle école, comme par exemple Al-Azhar. Ou bien une autre jami'a comme ça dans un pays musulman, une université dans un pays musulman qui est basée sur la aqida ash'ariya, ils disent bon ça c'est l'exemple ou c'est comme la aqida qui est enseignée là-bas, comme si c'était un sceau ou une preuve de crédibilité ou de une preuve que cette aqida elle est valable ou elle est bonne. Alors que non. Pour qu'une aqida soit bonne et qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit en accord avec le Coran et la Sunna et en accord avec la compréhension des salafs salih. C'est ça qui détermine si cette aqida elle est bonne et elle est valable. Hein? Alors que la aqida ash'ari, elle n'a pas été connue ni propagée avant le 5e siècle de l'histoire islamique. Avant ça, elle n'était pas connue ni propagée. Et l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, à qui on attribue cette aqidah-là, il est né en quelle année? 260 Hijri. 260. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire avant lui, hein, beaucoup de monde qui sont morts parmi les grands imams de l'islam, en commençant par les sahaba et les tabi'in et les tabi'in. Hein? Qui n'ont jamais connu l'aqida de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et non seulement ça, yani, quand on dit en l'an 260 qu'il est né, dites-vous qu'il a passé 40 ans de sa vie dans la secte des Mu'tazila. 40 ans, ça veut dire il a été dans une secte qui est une secte déviée, qui nie les attributs d'Allah et les noms d'Allah, qui nie plutôt les attributs d'Allah, qui affirme les noms, mais qui nie les attributs, et il est resté dans cette secte pendant 40 ans, la secte des Mu'tazila. Hein? Donc ça veut dire que jusqu'à l'an 300, il était encore dans l'égarement. De l'an 260 jusqu'à l'an 300, il était pas encore sorti de cette secte. Puis, on dit qu'il a quitté la secte des Mu'tazila. En l'an 300, et qu'il a adopté une nouvelle aqida, qui est la aqida qu'on appelle al-kullabiyya, qui est en fait la aqida des gens de kalam, al-mutakallimun, des gens qui affirment une partie des attributs mais qui nient le reste. Ils affirment cet attribut d'Allah, puis ils nient les autres. Ils vont affirmer par exemple la vue, al-basar, al-sam', al-irada, la volonté, l'ouïe, ils vont affirmer al-qudra, la capacité, al-kalam, la parole, mais d'une certaine façon. Donc ils affirment ces attributs-là de façon, yani en apparence, ils les affirment, mais en réalité, ils ne les affirment pas correctement. Ils les affirment d'une manière, mais souvent qui est en contradiction avec la façon dont on les affirme selon Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Donc ça, c'est de un. Et cette aqida donc, c'est pas la aqida d'Ahl-Sunnah. Parce que la aqida d'Ahl-Sunnah, c'est d'affirmer toutes les attributs sans exception. Tout attribut qui est dans le Coran ou dans la Sunnah, on est obligé de les affirmer telles quelles. De pas les déformer, de pas changer leur signification. Hein? Ça, c'est la aqida des salafs. Et tu trouves pas dans les paroles des salafs, par exemple, des exceptions dans ça, ou le fait de dire non, on n'affirme pas tel ou tel attribut. Hein? Donc ça c'est important. Et ensuite, à la fin de sa vie, on dit qu'il s'est repenti de la aqida des Kullabiyya et qu'il a écrit deux livres parmi les livres qu'il a écrit pour montrer qu'il s'est repenti et qu'il est revenu à la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Hein? C'est le livre Al-Ibana An Usul Diyana et un autre livre qu'on appelle Maqalat al-Islamiyin, Al-Ibana An Usul Diyana, et un autre livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyin. D'accord? Et on dit qu'il est mort en l'an 330 Hijri, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il a passé une partie de sa vie à la fin, alaykoum salam wa rahmatullah, une partie de sa vie à la fin sur la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, parce que dans ces livres-là, il dit que je reviens sur la aqidah de l'imam Ahmad, qui fait partie, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qui fait partie de la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Donc c'est ça la aqida des salafs à propos des noms et des attributs. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est la aqida des salafs avant. Donc ça veut dire en 330 il est mort. Donc jusqu'en l'an 300, il n'y avait aucune personne qui connaissait une aqida qui s'appelle l'aqida al-ash'ariya. Jusqu'à l'an 300 Hijri. Personne ne connaissait cette aqida. Les gens ne connaissaient que la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, puis les gens qui sont venus après, qui ont dévié parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila, qui niaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Puis sont venus par la suite les Asha'ira qui ont voulu essayer de prendre une voie intermédiaire entre les deux. On affirme certaines attributs, puis on nie les autres. Les attributs qu'ils affirment, les sept qu'ils affirment, ils ne se basent pas sur les textes de la révélation pour les affirmer, ils se basent uniquement sur ce qu'ils prétendent être la raison. D'accord ? Et les preuves logiques et rationnelles établies par, soi-disant, la logique des Grecs et la logique d'Aristote ou de Platon ou des trucs de ce genre. C'est là-dessus qu'ils se basent. Et c'est sur ça qu'ils se basent pour établir leur aqidah, parce qu'ils disent que les textes ça suffit pas. Et pour eux, les textes ça ramène pas à la certitude. Il faut que ce soit la logique qui soit notre référence. C'est ça ce qu'ils prétendent. Allah al-Musta'an. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des règles. Ils ont créé des règles et des principes en se basant sur la philosophie. Puis ils ont dit, c'est ces règles-là qui vont juger la révélation. Et c'est ces règles-là qui vont déterminer qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est totalement en contradiction avec l'islam. Puisque le musulman, en réalité, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est le contraire. C'est de juger les règles qu'il a inventées en les mettant à côté du Coran et de la Sunna pour voir est-ce qu'elles sont correctes ou non. Et que ce qui est en contradiction dans ces règles-là avec le Coran et la Sunna, il les rejette. Il rejette ces règles qui sont fausses. Il les rejette. Et il affirme celles qui sont en accord avec le Coran et la Sunna. Eux, ils ont fait le contraire. Ils ont établi des règles, puis ils se sont mis à accepter ou à rejeter des textes du Coran et de la Sunna en se basant sur ces règles-là qu'ils ont inventées eux-mêmes, qu'ils prétendaient être rationnelles ou logiques. D'accord? Donc ça c'est, comme je disais, c'est le fait de dire, comme qu'est-ce qu'ils disent, par exemple, que parce que cette aqidah-là, aujourd'hui, c'est telle qui est enseignée à l'Azhar, par exemple, l'aqidah ash'ariya, donc ils prétendent que ça c'est qu'est-ce qui donne à cette aqidah une crédibilité. Mais on a expliqué, c'est pas ça qui détermine ou qui prouve que cette aqidah elle est bonne. C'est pas le fait qu'elle soit enseignée quelque part en particulier qui détermine qu'elle est vraie. Qu'est-ce qui détermine si elle est vraie ou fausse? C'est est-ce qu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna, et est-ce qu'elle est établie dans le Coran et dans la Sunna, et est-ce que c'est ça que les sahaba ont cru? Si c'était pas le cas, alors on doit la rejeter, peu importe qui l'a enseignée, où est-ce qu'elle est enseignée. Puisque si elle était pas, si elle n'existait pas 300 ans après, à partir de l'an 300, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de l'époque de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'an 300, il n'y avait aucune trace de ce qu'on appelle l'aqidah al-ash'ariya, et qu'elle est apparue à cette époque-là, après l'an 300. Parce que ceux qui suivent aujourd'hui la charia, comme on a dit tout à l'heure, c'est ceux qui suivent la période intermédiaire de Abul Hassan al-Ash'ari, c'est-à-dire la période où après qu'il a quitté les Mu'tazila et avant qu'il suive la voie d'Ahl al-Sunnah. Donc cette période intermédiaire, c'est cette période, c'est cette aqidah-là qu'ils suivent, la aqidah kullabiyya qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, cette aqidah-là, elle n'existait pas avant, depuis la mort du professeur Rasoul jusqu'à 300 ans après, on n'avait jamais entendu parler de cette aqidah-là. Donc aujourd'hui, donc, le fait qu'elle soit enseignée quelque part, ça ne va pas venir justifier cette aqidah. Pour qu'une aqidah soit justifiée, il faut qu'elle soit établie dans le Coran et dans la Sunna, et que ce soit la aqidah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et des autres parmi les sahaba qui sont venus après, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc c'est pour ça que nous on dit il faut revenir à la aqidah des salafs, de nos salafs salih, qui était d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans exception. Puis aussi ils mentionnent, ils disent la majorité des musulmans, aujourd'hui ils ont la aqidah ash'ariya, c'est ça qu'ils prétendent, et ils essaient de mentionner ça pour essayer de justifier que cette aqidah là c'est la bonne et que c'est la vraie. Et nous on leur dit, le fait que un nombre de personnes plus grand ont une aqidah en particulier, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Hein? Sinon, si c'était le cas, on devrait, dans ce cas-là, regarder la majorité des hommes sur la terre, c'est quoi leur croyance? Et ce n'est pas l'islam. Hein? La majorité des hommes sur la terre, ils sont des mushrikines. Donc, est-ce que ça veut dire que parce qu'ils sont plus nombreux, c'est eux qui ont le haq? Bien sûr que non. Donc, la même chose pour la aqidah ash'ariya. Et quand on regarde la réalité, c'est pas vrai que la majorité sont Ash'ariyya. Parce que la majorité des musulmans, ils n'ont pas étudié la aqidah ash'ariya et la philosophie. C'est une petite minorité qui ont étudié ça. Et si on retourne, comme on a dit, à qu'est-ce qui était enseigné entre l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 300 ans après, c'était la aqidah des salafs. Et c'est eux qu'on appelle les trois premières générations bénites. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Hein? Les meilleurs des hommes, ce sont ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Donc ça veut dire que ces trois premières générations-là, c'est notre référence. Tout ce qui est venu par la suite, il doit être ramené à l'exemple de ce qui a été établi dans les trois premières générations, en commençant par celle des Sahaba, puis ceux qui les ont suivis, par exemple, par la suite, c'est les Tabi'in, puis ceux qui ont étudié avec les Sahaba, donc les Tabi'in, c'est ceux qui ont étudié avec les Sahaba, puis Tabi'in, c'est ceux qui ont étudié avec les élèves des Sahaba. Ça, c'est notre référence. Et la majorité d'entre eux, ils étaient tous sur la aqidah sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ses sahaba. Et c'est ça notre référence, donc. Si, par la suite, des musulmans, par exemple, ont dévié de cette aqidah et qu'ils sont tombés dans une des sectes, parmi les sectes d'égarement, eh bien, c'est pas, même s'ils sont plus nombreux, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont sur le haq. Hein? Donc il ne faut pas se laisser tromper par le nombre. Donc c'est ça. Donc de toute façon, alhamdulillah, comme on a expliqué, on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui, inshallah. Puis on expliquera la suite du verset au prochain cours, inshallah. Mais je voulais me concentrer plus sur cet aspect de l'aqidah qui est Tawhid al-Asma wa Sifat. Et la croyance en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui jettent des shubuhat à ce sujet-là, puis c'est très important donc de pouvoir y savoir en fait quelle est la réalité et la vérité à ce sujet pour éviter de tomber dans les égarements là-dessus. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته